Actes chapitre 28. S'étant donc sauvés, ils reconnurent alors que l'île s'appelait Malte. Et les barbares usèrent d'une singulière humanité envers nous, car ils allumèrent un grand feu, et nous reçurent tous, à cause de la pluie qui nous pressait, et à cause du froid. Et Paul ayant ramassé quelques quantités de sarments, comme il les eut mis au feu, une vipère en sortit à cause de la chaleur, et lui saisit la main. Et quand les barbares virent cette bête pendant à sa main, ils se dirent l'un à l'autre, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisqu'après être échappé de la mer, la vengeance ne permet pas qu'il vive. » Mais Paul ayant secoué la bête dans le feu, il n'en reçut aucun mal, au lieu qu'il s'attendait qu'il dût enfler, ou tomber subitement mort. Mais quand ils eurent longtemps attendu, et qu'ils eurent vu qu'il ne lui en arrivait à UCN mal, ils changèrent de langage, et dirent que c'était un dieu. Or en cet endroit-là étaient les possessions du principal de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea durant 3 jours avec beaucoup de bonté. Et il arriva que le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie, et Paul étant allé voir, il fit la prière, lui imposa les mains, et le guérit. Ce qui étant arrivé, tous les autres malades de l'île vinrent à lui, et ils furent guéris, lesquels aussi nous firent de grands honneurs, et à notre départ nous fournirent ce qui nous était nécessaire. 3 mois après, nous partîmes sur un navire d'Alexandrie, qui avait hiverné dans l'île, et qui avait pour enseigne Castor et Pollux. Et étant arrivés à Syracuse, nous y demeurâmes 3 jours. De là, en côtoyant, nous arrivâmes à Marège, et un jour après, le vent du midi s'étant levé, nous vînmes le 2e jour à Pouzol, où ayant trouvé des frères, nous fûmes priés de demeurer avec eux 7 jours, et ensuite nous arrivâmes à Rome. Et quand les frères qui étaient, eurent reçu de nos nouvelles, ils vinrent au-devant de nous jusqu'au marché d'Appius, et aux 3 loges, et Paul les voyant, rendit grâce à Dieu, et prit courage. Et lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le centenier livra les prisonniers au préfet du prétoire, mais quant à Paul, il lui fut permis de demeurer à part, avec un soldat qui le gardait. Or il arriva 3 jours après, que Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent venus, il leur dit, « Ô frères, quoique je n'ai rien commis contre le peuple, ni contre les coutumes des pères, toutefois j'ai été arrêté prisonnier à Jérusalem, et livré entre les mains des Romains, qui après m'avoir examiné me voulaient relâcher, parce qu'il n'y avait en moi aucun crime digne de mort. Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans que j'aie pourtant dessein d'accuser ma nation. C'est donc là le sujet pour lequel je vous ai appelé, afin de vous voir et de vous parler, car c'est pour l'espérance d'Israël, que je suis chargé de cette chaîne. » Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons point reçu de lettre de Judée qui parle de toi, ni aucun des frères n'est venu, qui a rapporté ou dit quelque mal de toi. Cependant nous entendrons volontiers de toi, quel est ton sentiment, car quant à cette secte, il nous est connu qu'on la contredit partout. » Et après lui avoir assigné un jour, plusieurs vinrent auprès de lui dans son logis, auquel il expliquait par plusieurs témoignages le royaume de Dieu, et depuis le matin jusqu'au soir, il les portait à croire ce qui concerne Jésus, tant par la loi de Moïse que par les prophètes. Et les uns furent persuadés par les choses qu'il disait, et les autres n'y croyaient point. C'est pourquoi n'étant pas d'accord entre eux, ils se retirèrent, après que Paul leur eut dit cette parole, « Le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères, par Esaïe le prophète, en disant, « Va vers ce peuple, et lui dit, « Vous écouterez de vos oreilles, et vous n'entendrez point, et en regardant vous verrez, et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple est engraissé, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils n'entendent des oreilles, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu est envoyé aux gentils, et ils l'entendront. » Quand il eut dit ces choses, les Juifs se retirèrent d'avec lui, y ayant une grande contestation entre eux. Mais Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée pour lui, où il recevait tous ceux qui le venaient voir, prêchant le royaume de Dieu, et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute liberté de parler, et sans aucun empêchement.